il pleut, t'es bien trop loin, reviens. Quand tu rappelles que c'est la panique, hors du dodo, bobo. T'es qu'une casse-pied, une casse-bonbon, t'es qu'une saleté, un poison. Mais loin de toi, je fume du tabac et je m'ennuie, chibi. Chippy, reviens, va-t'en. Quand la nuit vient, tu suces ton pouce, tu es tout nounours et tu es tout câlin. Et le matin, réveil allègre, c'est pisse vinaigre et pour le chagrin. Que tu partes, sale petite teigne. À moi la tarte et pour toi la beigne. Une fois tendresse dans le satin, une fois détresse dans l'eau de boudin. Casse-toi, reviens, t'es loin, fous le camp, tire-toi, tu crains, reviens, va-t'en. Chippy, casse-toi, Chippy, t'es loin, fous le camp. Chippy, tire-toi, tu crains. Chippy, Chippy, reviens, va-t'en. Chippy, Chippy, reviens, va-t'en. Chippy, casse-toi, reviens. Chippy, t'es loin, fous le camp. Fous le camp. Chippy, tire-toi, tu crains. Chippy, Chippy, reviens, va-t'en. Chippy, reviens, va-t'en, reviens, va-t'en, Chippy, casse-toi, reviens, Chippy, tire-toi, tu crains, Chippy, Chippy.